بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في حديث 92 92 حديث كي لو داني حديث de ce باب dans ce livre de باب صفة الصلاة. Après on entrera dans un nouveau chapitre intitulé وجوب طمأنينة في الركوع والسجود, qui est le chapitre d'obligation de la concentration lors de l'inclinaison et de la prosternation. Donc, le mu'allif yaqul rahimahullah ta'ala an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum zira'ayhi in bisat al-kalb. Selon Anas ibn Malik, le nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de nous tenir droit correctement dans la salat lors du sujud et de ne pas étaler que l'un d'entre vous n'étale pas ses bras à la manière d'un chien. C'est-à-dire un chien, quand il se met à quatre pattes, il affale ses pattes sur le sol. Donc, lors de la prosternation, nous ne devons pas en faire de même avec nos bras. Et on a déjà pris auparavant dans les hadiths que la sunna, c'est d'écarter entre les bras au point de voir les aisselles de la personne. Et même de faire cela avec excès. De bien écarter les bras et que les mains soient éloignées du visage. Yaqul fadilat al-shi'a ibn al-Thaymin. Araoui Anas ibn Malik. Donc le rapporteur c'est Anas ibn Malik dont on a déjà parlé auparavant. Yaqul maudou al-hadith bayan al-mashru' fi hayat al-sujud. Qui vient pour montrer ce qui est légitime comme posture à avoir lors de la prosternation. Yaqul fi al-sharh al-ijmali. L'explication globale du hadith. Al-matlouba min musalli an yakuna al-akmal hayati min nashati wa taba'ud. Donc il est attendu justement de celui qui fait la salat qu'il soit sur la meilleure forme et la plus énergique et le plus loin de ce qui pourrait causer la paresse lors de tous les piliers de la salat. وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلية أن يأتي بسجود الأكمل هيئات. Donc dans ce hadith, Anas ibn Malik il informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui fait la salat, le musalli, de se prosterner sous la meilleure façon. فَيُنْسِبْ زِرَاعَهِ وَلَا يَبْسُطْهَا فَتَنْبَسِطَانِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يَنْتَنْبَسِطْ زِرَاعِي الْكَلْبِ فيشابه أخبث الحيوانات في هذا أو أنجس نعم فيشابه أنجس الحيوانات في هذا et il dit que justement il doit l'homme doit dresser ses bras et ne pas les étaler sur le sol comme le ferait un chien pour ne pas ressembler à la plus impure des animaux en cela. Et cela selon le col de chien en famine. Maintenant, est-ce que le chien est une impureté en lui-même? C'est une masse sur laquelle il y a divergence. L'avis qui apparaît, c'est que sa bave est une impureté. Quant à lui en lui-même, il n'y a pas d'ailes qui prouvent qu'il soit impur. Et certains ulémas voient même que le chien est pur entièrement, même son urine et même ses excréments. Car dans un hadith rapporté par Abdou Omar, cité que les chiens rentraient à l'époque dans le masjid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils urinaient et ressortaient sans que personne ne verse de l'eau dessus. Donc de là, des ulémas ont dit ça prouve que cela était pur, que leur urine elle est pure. Et ils voient même que les excréments de tous les animaux sont purs, même ceux dont la chair n'est pas comestible. Mais ça, c'est un autre sujet. Shahid, là, c'est le but du hadith, de savoir qu'il n'est pas permis de ressembler au chien lors de la prosternation. Yaqul fawaid al-hadith, enseignement-il du hadith. Anna mashru' fi hayati sujud an yakuna sajid mu'tadilan nasiban zira'ihi. Ce qui est légiféré justement dans la posture à avoir lors de la prosternation, c'est que l'homme se tienne droit et les bras dressés. Thaniyan, yaqul كرامة بسط الذراعين على الأرض في السجود والتنفير منه. Justement qu'il ne faut écrit كرامة, c'est كراهة. Non, c'est Karaha. Il y a des fautes de frappe dans le livre. Qu'il est détestable justement d'étaler ses bras sur le sol lors du soujoud et qu'il faut éviter cela. Thalithan, annahu la yaliq bil insan alladhi karramahu Allah wa faddalahu wala wa faddalahu an yashtabih bil hayawan la siyama fi halati as-salah. Qui ne convient pas justement à l'homme que Allah a honoré et a préféré qu'il ressemble aux animaux, principalement hors de la salat. Et là, c'est une mas'ala que Cheikh Othaymine fut déjà interrogé auparavant, dans le fait de ressembler aux animaux. Quel est le jugement de ressembler à un animal, de faire des choses, des harakats qui ressemblent à celles des animaux? Elle a dit, cela ne convient pas à l'homme. Car Allah Azzawajal n'a pas fait de comparaison entre l'homme et l'animal dans le Coran, si ce n'est dans le but de blâmer. Tout exemple qui a été fait entre l'homme et l'animal dans le Coran, d'accord, comme ressembler à un chien, Famasalu kamasalil kalb, du savant qui a délaissé l'objet qu'il avait, il a fait ressembler à un chien. Ou il a comparé les ulama de Bani Israël, qui n'appliquent pas la science qu'ils ont, à des ânes. Waqala wa inkara aswat ila sautul hamir, que la pire des voix, c'est la voix de l'âne, pour celui qui parle fort. Donc, toutes les fois où Allah dans le Coran a comparé l'homme à un animal, c'était dans le but de blâmer. Donc, de là, il dit qu'il ne convient pas à l'homme de ressembler à l'animal. D'avoir un comportement animalier ou de les ressembler dans leur gestuel ou autre. Comme Allah Ta'ala, on le connaît Bani Adam. Et que nous avons certes honoré le fils d'Adam. Que l'être humain est plus haut que l'animal. L'animal n'a pas de raison. Contrairement à l'homme, l'animal n'est pas mukallaf, contrairement à l'homme. Wa kaza. Fa hadha alladhi akhadna al-yumna al-hadith, wa naktafi bi hadha al-qadr wa alhamdulillahi rabbil alamin.